Bonjour et bienvenue à cette émission centrée sur la science-fiction, le fantastique et la fantasy. Christian Martin au microphone. Notre émission aujourd'hui sera consacrée à deux courtes nouvelles. La première, Il a la dent, est du très regretté Alain Debussy, auteur belge prolifique qui nous a quittés brusquement à la mi-octobre. Les éditions de l'Avenir présentent Il a la dent, un texte d'Alain Debussy, rédigé le 9 mai 1997. On les surnommait Dalampante et Stomacapate. C'était le maître et son chien. À moins que ce ne fussent le chien et son maître, si vous êtes capable de faire la nuance hiérarchique que représente l'inversion. Dalampante avait toujours soif et Stomacapate avait toujours la dent. Dalampante avait connu des jours meilleurs, à l'époque où sa dalle était encore horizontale. Il lui en était resté quelques économies et une pension qui tombait régulièrement sur son compte en banque. Il était sage, payait d'abord son loyer, l'électricité et le reste, avant de consacrer les quelques billets qui subsistaient à boire dans les bistrots du patelin. Il pensait rarement à nourrir Stomacapate, ce qui expliquait la faim perpétuelle du cabot, qui devait se contenter des restes qu'on voulait bien lui donner dans les cafés, bars, tavernes et estaminets où son maître servait de pilier. À la fin de la soirée, et c'est de là que provenait le doute sur la relation ambiguë existant entre nos deux héros, c'était régulièrement le chien qui se mettait à gémir devant la porte du bistrot pour signaler à son maître que l'heure de rentrer au bercail était arrivée. Un soir de novembre, il avait probablement assez mangé et il exigea de rentrer plus tôt que de coutume. Il s'était montré assez nerveux ce soir-là, tournant entre les jambes de consommateur, humant l'air chaque fois que la porte s'ouvrait pour laisser rentrer ou sortir quelqu'un, et gémissant auprès de son maître lorsqu'il le voyait avaler une chope de plus. Dalampante se décida enfin. Le chien, contrairement aux autres jours, ne fut pas le premier à passer la porte. On aurait même dit qu'il ne voulait pas sortir. C'était étrange après son comportement des minutes précédentes. Comme il était déjà fort tard, les autres clients quittèrent le bistrot quelques instants après le chien et son maître seulement, ce qui explique qu'ils furent en partie témoins d'un incident qui fit beaucoup jaser dans le quartier au cours des jours qui suivirent. À la lumière de l'éclairage public, l'ivrogne et son chien étaient bien visibles de l'autre côté de la place Verlinden. Tout à coup, une ombre se détacha des murs derrière eux et leur courut dessus. On aurait dit une énorme chauve-souris, racontèrent plus tard les témoins de la scène aux policiers accourus sur les lieux. L'ombre se jeta sur Dalampante avant que personne n'ait pu réagir. Il est vrai que les clients avaient eux aussi quelques grammes d'alcool dans le sang et que leurs idées n'étaient pas des plus claires, ce qui amena d'ailleurs le classement sans suite de l'affaire. Toujours d'après les témoins, l'ombre fit tomber Dalampante et se coucha sur lui. Ensuite, elle se releva en titubant, juste pour se voir assaillie par le chien, qui lui sauta au visage. Stomacapate, faut-il le dire, était un pitbull à la mâchoire dévastatrice lorsqu'il s'en donnait la peine. Quelques instants plus tard, les poivrots arrivaient auprès de leurs collègues presque en même temps que la police. Dalampante ne souffrait que de deux légères blessures au cou, deux égratignures d'où coulait un filet de sang, et nul ne songea même à l'envoyer à l'hôpital pour si peu. Quelqu'un s'inquiéta du chien, en songeant surtout à l'agresseur victime qui avait réussi à prendre la fuite. Ici, il avait la rage. Ce sera bien fait pour ce salon. Faire ça un brave homme qui ne demande qu'à prendre son verre bien tranquille. Oui, mais et le chien, il n'a rien. Stomacapate? Il a la dent, comme d'habitude, le brave. Ils regardèrent le pitbull, occupé à ronger une longue canine à laquelle attenait encore un peu de chair corrompue, et haussèrent les épaules en éclatant de rire. Les éditions de l'Avenir vous ont présenté Il a la dent d'Alain Debussy, avec Kael dans le rôle du poivreau 1, Christian Martin dans le rôle du pauvre odeux et Ezwa la narration. Tous les droits appartiennent à l'auteur et sont protégés par copyright. Cet enregistrement est une production des Éditions de l'Avenir. En complément de programme, vous entendrez Le Trousseau, que j'ai écrit dans les années 1990 et qui fut publié à l'origine dans Magie Rouge, le magazine belge de l'étrange. Les Éditions de l'Avenir présentent Le Trousseau, un texte de Christian Martin, paru à l'origine en 1992 dans Magie Rouge, le magazine belge de l'étrange. Mes clés me rendent fou. Ce sont pourtant des clés tout à fait ordinaires. Clés de maison, d'auto, du bureau, réunies par un simple anneau et une chaînette. Il se passe quelque chose de très bizarre pendant la nuit. Bizarre en ce sens que chaque matin, avant de partir pour le boulot, j'ai beau me tâter, inspecter soigneusement l'endroit où je les ai déposées la veille, j'ai grand-peine à les retrouver. C'est comme si des farfadets s'étaient amusés à me piquer mes clés. Au départ, c'était plutôt frustrant. C'est devenu réellement exaspérant. Pendant un temps, j'ai trouvé comique cet entêtement à perdre mon trousseau. Mais maintenant, je suis inquiet. Ni ma compagne, ni les enfants, ni la bonne, ni le chien ne peuvent jouer la nuit avec mes clés, puisque je vis seul comme un ermite. Inexplicable. J'ai tout essayé. D'abord, je les ai déposées près de moi sur la table de chevet. Le lendemain matin, j'ai fini par les retrouver, bien sûr, sous le lit. Bon, une coïncidence, un accident, ça arrive, que je me suis dit. Bourré de sommeil, j'ai pu en effet les avoir foutus par terre sans m'en rendre compte en cherchant l'arrêt du réveil. Le lendemain soir, mon trousseau prenait à nouveau la direction de ma table de chevet, mais cette fois à l'autre bout, loin du réveil matin. Lorsque j'ouvris les yeux à 7 heures, mes clés avaient disparu. 50 minutes plus tard, alors que je frôlais dangereusement le retard, je les dénichais sur le comptoir de la cuisine, derrière ce qui restait du pain de blé entier. Comment était-elle venue là? Aucune idée. Par la suite, je tentai une série d'expériences tout aussi décevantes les unes que les autres. J'espérais qu'au moins un endroit de la maison me fût resté fidèle. Sur le bureau, dans un tiroir sous les caleçons, dans la bibliothèque derrière le Prelude to Foundation d'Asimov, dans la pharmacie à l'intérieur du flacon d'aspirine, sous la télé, dans le cassettophone, derrière le magnétoscope. J'eus beau diversifier, multiplier les endroits où je rangeais, camoufler mes clés, jamais, le lendemain, elles se trouvaient où je les avais déposées. Je crois que je deviens cinglé. En plus, il y a le patron qui me tombe déçu chaque matin, comme un rituel, parce que j'arrive en retard. Je ne peux plus me justifier. Perdre ses clés, ça peut arriver une fois, mais pas tous les jours. Et pourtant, le patron est à bout de patience, je le vois bien. Il était la veille de me flanquer dehors. Au fond, peut-être que ce serait la solution. Les risques d'arriver en retard au boulot et d'avoir encaissé les engueulades du patron seraient grandement minimisés si je n'avais plus de boulot. Sans boulot, je me moquerais pas mal de perdre mes clés. Il n'y aurait pas urgence pour les retrouver. Ah, comme ce serait bon. Plus d'inquiétude, plus de tension nerveuse. Dormir paisiblement. Enfin. Bon, ce soir, advienne que pourra. Je suis las de vivre sur le qui-vive, de ne sommeiller que d'un œil, sans jamais surprendre qui ou quoi que ce soit. Si ça continue, c'est la dépression qui me guette. Je crois que je suis malade. C'est trop drôle. À se taper la tête contre le mur. Ce matin, je me suis réveillé nu. Mon pyjama a disparu. J'y avais solidement épinglé mes clés. Les éditions de l'Avenir vous ont présenté Le Trousseau de Christian Martin, lu par Christian Martin. Tous les droits appartiennent à leur auteur et sont protégés par copyright. Ne manquez pas nos productions actuelles et celles à venir sur l'aveniraudio.canalblog.com. Ceci est une production des éditions de l'Avenir. Voilà qui complète cette émission. Vous trouverez les deux nouvelles sur le blog des éditions de l'Avenir à l'aveniraudio.canalblog.com et sur la page consacrée aux pièces brèves à l'avenirshorts.canalblog.com. Vous pouvez réécouter cette émission sur le blog de la web radio à www.audiolibris.net. Merci de votre attention. À bientôt.